Les gays, ça c'est un gros sujet à la mode, ça, c'est pas dire. Il y a pas une journée où t'entends pas parler des gays. À matin dans le Journal de Québec, c'est de savoir qu'un lutteur connu a fait son coming out puis nous a dit qu'il est gay. Puis là, bon, on est allé, on l'a appelé Jasmin Roy. Ah, on l'a appelé Jasmin Roy. Il y a pas une journée, qu'on n'a pas quelque chose chez les homosexuels. Ça commence à faire beaucoup de choses, là. Coudonc, y a-tu plus d'homosexuels qu'il y a d'hétéros? Est-ce qu'il y a plus d'histoires? Il y a beaucoup d'histoires sur les gays, hein. Beaucoup. Là, à un moment donné, la quantité qu'ils sont, il peut pas avoir plus d'histoires qu'il y a de gays. T'sais, c'est démesuré un peu. Et une autre question. Hier, j'étais à la plage avec mes enfants, 9 ans et 11 ans. Il arrive une belle grand noire, donc pas noire les cheveux, mais de couleur noire, coupée au couteau, jeune, début de vingtaine, qui s'installe. Et là, il y a une fille qui suit, qui est un peu moins belle, garçonnière, gros tatou, boule de gras en haut du bikini. Elle l'a pas. Mais là, ils commencent à jaser eux autres, les deux, ils sont ensemble, rentrent dans l'eau, commencent à se frencher. Ils se frenchent pendant 2 heures de temps. J'ai été à la plage pas mal pendant 5 semaines de vacances, vous allez comprendre. J'ai vu, à chaque fois que je vois des homosexuels, c'est arrivé à un moment donné, je suis arrivé dans le coin de Fort Lauderdale, quand tu vas sur la Main, il y a une place où il y a un hôtel qui a été vendu puis qui est en démolition. Donc ce coin-là est moins rempli de monde, le reste c'est rempli, la plage est remplie. Ce coin-là, il est moins rempli, mais les gens qui y sont, c'est les gays. Puis eux autres, ben c'est ça prend le plus petit costume de bain possible. Puis ils sont tout le temps embarqués un par-dessus l'autre. Soit dans l'eau, soit sur la plage. OK, là tu vois, il y a une concentration à peu près sur 500 pieds. Là, tu dis oh, OK, je suis dans le coin des gays. Là, tu reviens de bord parce que tu te sens pas nécessairement. C'est pas ta gang, hein. Tu reviens de bord, des enfants qui sont là, les enfants sont là, ils regardent ça, ils disent ben ouais, c'est bizarre ça. Puis c'est surtout la manière qu'ils sont à mancher, tu sais. D'abord, ils sont pas tous en shape, là. On pense que tous les gays gars sont des gars qui s'en vont au gym, qui mangent bien, puis ils sont top shape. Ouais. C'est pas tout le cas, là. Il y en a qui sont gros, mais ils se mettent quand même des genres de string pour qu'on voie tout, tu sais. C'est quand même une plage publique, là. Il y a pas de clôture, il y a des enfants qui, tu sais, des gens prennent des marches, là. Donc, on a à endurer ça et à voir ça. Et de tous ceux que j'ai vus comme couple hétéro, j'ai dû voir 99% des gens que j'ai vus à la plage étaient en couple. Mais c'était des couples hétéros. 99,9, très rare. Donc très très rare qu'on voit des gays à la plage. J'ai pas vu un couple hétéro s'embarquer un par-dessus l'autre. J'ai même pas vu un couple hétéro se frencher. Pourquoi ils se frenchent pendant 2 heures? Ils s'aiment donc bien, ils s'aiment plus que les autres. Pour démontrer leur amour. Ouais, c'est ça. OK. C'est pas un petit peu pour attirer l'attention, là. On leur en a tellement donné, puis ils ont tellement... c'est tellement la grande liberté qu'il faut absolument qu'ils nous l'imposent puis qu'ils nous le montrent tout le temps de même, là. Je vois pas d'hétéro se comporter de même. Mais c'est de plus en plus à la mode, hein. Même, je vais briser sans doute un rêve à Doom. Doom, tu sais, qui est amateur de lutte. Ouais. Un de ses idoles. Veux-tu l'entendre? Qui? Do you think that like a gay wrestler man could be like successful within the WWE? Absolutely. Look at me. You know, I'm a WWE superstar, and to be honest with you, I'll tell you right now, I'm gay, and I'm happy, very happy. Man, I'm kind of like flabbergasted, man. Ah, ben c'est tout arrangé, c'est le Darren Young. Darren Young, ouais. C'est ça, mais c'est de lui qui parle en page 2 du Journal de Québec, puis ils vont voir Jasmin Roy pour savoir qu'est-ce qu'on pense de ça. Mais c'est un frame-up complet. As-tu vu les images de ça? C'est framé au complet, là. Il y a pas un chat à l'aéroport. Ouais, il y a comme s'il arrivait à l'aéroport, mais les kits à bagages, il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas une valise, il n'y a personne qui passe. T'entends une petite musique en arrière? Oui. Ben, c'est la musique de la place. Yes, ben oui, c'est framé. Mais gars, vois-tu? Non. Hey, I'm flabbergasted, là. Hey, je savais pas, je te posais une question de même. Je te parlais de gay de même, moi, là. Je pensais jamais que t'allais me dire que toi, tu l'étais, là. Hey, c'était la première question que je te posais, tu sais. Malgré qu'il soit gay, il y a du succès à la lutte. Ouais. Est-ce que tu penses que... J'ai aucune idée qui il est, là, en passant. Je connais pas la lutte. Le succès, c'est relatif, là, mais bon. Ouais, mais Doom, il connaît tout. Ouais. C'est un gars connu, lui? il est connu. Il est dans WWE, là, mais c'est pas un des tops, là. Ben là, il va devenir très connu, ça va être le lutteur gay. Ouais, ben c'est ça. Lui, c'est le risque, là. C'est que ça va lui coller à la peau, là. Il est fait avec ça tout le long, là. Tag team. Il y a certaines prises qui seront plus faites quand on va se battre contre lui, là. Ça peut arriver. Ouais, mais dans le temps, il n'y avait pas des lutteurs gays, là, les poudrés d'Hollywood, là, dans le tête de Vachon. Ah, c'était pas des vrais gays, c'est pareil. Ah, c'était des... C'est ça que je... Les poudrés d'Hollywood! Jacques Rougeau nous a dit ça il y a quelques mois que c'était pas des vrais gays. Ah, non? Ouais. Bon. Il dit ça pour choquer le monde. Il y avait des petits côtes roses, là, pis des froufrous, pis... Ah, c'était pour faire réagir, c'était des rôles. OK. Mais avant, il y a personne qui le faisait pour de vrai. Avant, il y a personne qui sortait du garde-robe pour de vrai. Donc, c'était payant dans ce temps-là, faire semblant c'est que t'es gay. Non, c'est ça. Maintenant, c'est ordinaire, là. Ah, ouais. Ah.